Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Question 100. De l'état des âmes qui sortent de ce monde avec le péché originel seul. État des âmes dans les limbes. État des âmes dans le purgatoire. Comment les souffrances de ces dernières sont volontaires? Effet de ces souffrances. Existence du purgatoire. Lieu où il est situé. 1. Les âmes qui sortent de ce monde avec la seule faute originelle souffrent-elles la peine du feu? La peine de ces âmes, dit saint Augustin, est la plus douce de toutes les peines. Cela étant, elles n'éprouvent point le supplice du feu, qui est une peine très grave. Le péché originel nous ayant privés, non pas d'un bien essentiel à notre nature, mais d'un bien surnaturel qui nous était promis par surcroît, ces âmes ne méritent pas une autre peine que la privation de la vue de Dieu, à laquelle se rapportait le don surnaturel que nous avons perdu. 2. Les enfants morts sans baptême s'affligent-ils de leur état? Il y a dans les enfants morts sans baptême une intelligence qui n'a été faussée par aucun péché actuel. Or la droite raison ne s'attriste pas de n'avoir point ce qui est supérieur à ses facultés. Nul homme sage ne s'afflige de ne pouvoir voler comme l'oiseau, ou de n'être point assis sur un trône qui ne lui est pas dû. Semblablement, les âmes qui n'ont pas eu la faculté d'obtenir la vie éternelle, et à qui elle n'est pas due d'après leur nature, ne s'attristent point d'être privées de la vue de Dieu. On prétendra peut-être que les enfants morts sans baptême concevront de la douleur en voyant d'autres enfants admis à la vie éternelle. Il n'en sera rien. Ce défaut de grâce ne produira pas plus de tristesse en eux que la privation de certaines faveurs n'afflige les bons chrétiens qui sont témoins oculaires des dons supérieurs que Dieu accorde à leurs semblables. Note. Quoique séparés de Dieu en ce qui est de la gloire, ces âmes, qui lui sont cependant unies par la participation au bien de la nature, peuvent puiser en lui, par la connaissance et par l'amour, une certaine jouissance naturelle. Fin de la note. 3. Les peines du purgatoire surpassent-elles toutes les peines temporelles de cette vie? Les souffrances du purgatoire l'emportent sur toutes celles de ce monde, car le feu y agit sur les âmes elles-mêmes, dont le corps tire toute sa sensibilité. La pensée du bien souverain fait aussi beaucoup souffrir ces âmes, précisément parce qu'elles sont près d'en jouir. Note. Le feu du purgatoire, dit saint Augustin, est plus cruel que tout ce qu'on peut sentir, voir ou imaginer en cette vie. Fin de la note. 4. Les peines du purgatoire sont-elles volontaires? Ces peines sont contraires à la volonté sous un rapport, et volontaires sous un autre. Les âmes du purgatoire les endurent comme un malade souffre l'application de la pierre infernale pour recouvrer la santé. Elles voudraient certainement en être délivrées, et elle les supporte néanmoins avec résignation. 5. Les âmes du purgatoire sont-elles punies par les démons? Ces âmes ont triomphe de la malice des démons, en évitant le péché mortel. Celui qui a remporté une victoire éclatante sur quelqu'un ne doit plus lui être assujetti. 6. La faute du péché véniel est-elle expiée par la peine du purgatoire? Le péché véniel est expié, quant à la faute, par le feu du purgatoire. Saint Paul nous l'apprend, en disant, le bois, le foin et la paille, ce qui signifie les péchés véniels, sont consumés par le feu purifiant du purgatoire. Note. Après cette vie, il n'y a plus lieu à aucun mérite à l'égard de la récompense essentielle, mais il est encore possible de mériter une récompense accidentelle. C'est ainsi que le péché véniel est remis par le feu du purgatoire à celui qui meurt en état de grâce. Fin de la note. 7. Le feu du purgatoire délivre-t-il de toute la peine due au péché? Il en délivre par là même que les âmes paient les dettes qu'elles avaient contractées. 8. Tel péché véniel est-il puni dans le purgatoire plus longtemps que tel autre? Plus la volonté s'est attachée à certains péchés véniels, plus la punition doit être longue, les grandes affections disparaissent lentement, c'est pourquoi une âme est livrée plutôt qu'une autre des peines du purgatoire. Note. L'intensité de la souffrance répondant à la gravité des péchés véniels considérés en eux-mêmes, et sa durée à l'attachement de la volonté pour ces péchés. Il peut arriver que telle âme qui souffre moins en purgatoire y reste cependant plus longtemps. Fin de la note. 9. Y a-t-il un purgatoire après cette vie? Il est écrit, c'est une sainte et salutaire pratique de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. 2. Maccabée, 12, 46. Ces morts ne sont ni ceux du ciel, qui n'ont pas besoin de nos suffrages, ni ceux de l'enfer, qui ne peuvent être délivrés, donc il y en a d'autres que la prière peut soulager, et ce sont les âmes du purgatoire, qui, quoique douées de la charité, sans laquelle aucune faute n'est remise, n'entreront pas dans le ciel avant d'être entièrement purifiées. Nous avons vu ailleurs, partie 3, Question 86, de la rémission des péchés mortels, articles 4 et 5, que, quand le péché mortel est effacé par la contrition, il reste parfois une dette à payer, et que les péchés véniels ne sont pas toujours remis avec les péchés mortels. Si tout péché doit recevoir la punition qu'il mérite, il faut nécessairement que l'homme qui meurt repentant et absous, mais sans avoir satisfait suffisamment à la justice de Dieu, soit puni après cette vie. Nier le purgatoire, ce serait attaquer la justice divine, contredire la foi, renier l'Église, qui prie pour les morts, en un mot, tomber dans l'hérésie. 10. Le lieu où les âmes sont purifiées est-il le même que celui où les damnés sont punis? Ni l'Écriture sainte, ni la raison, ne nous fournissent aucune solution positive à cet égard. Il est vraisemblable néanmoins, par les écrits des pères et par les révélations faites à plusieurs saints, que le même feu qui punit les damnés en enfer purifie les âmes justes en purgatoire. C'est ainsi que, dans le même feu, disait saint Grégoire, la paille fume et l'or brille. Suivant cette opinion, le purgatoire toucherait au lieu des supplices éternels et en serait comme la partie supérieure. Fin du supplément de toute la somme théologique. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.